L'histoire des deux Indes de l'abbé Raynal doit, on le sait, beaucoup aux contributions de Diderot. C'est de sa plume que furent rédigées ces lignes. Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au carnage. L'idée vient de Louis-Sébastien Mercier, auteur d'un livre d'anticipation philosophique daté de 1771 et intitulé « L'an 2240 ». Mercier y décrit, sur un magnifique piédestal, un nègre, la tête nue, le bras tendu, l'œil fixe, l'attitude noble, imposante. À ses pieds, on lisait « Au vengeur du Nouveau Monde ». Et l'histoire des deux Indes d'ajouter « Où est-il ce grand homme que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espèce humaine? Où est-il ce nouveau Spartacus ?» Pour Diderot comme pour Mercier, on le constate, non seulement l'affranchissement des esclaves passe bien par une insurrection, mais leur libération dépend de la venue d'un vengeur du Nouveau Monde, sur lequel, a posteriori, on ne peut s'empêcher de calquer le visage de Toussaint Louverture, héros de l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue, qui débouchera en 1804 sur la création de la première République noire, Haïti. De ces armées d'esclaves insurgés, de ces chefs noirs levant l'étendard de la liberté, de leur libération par le décret d'abolition de 1794, quelles traces avons-nous conservées? Comment s'est constituée la mémoire de la première abolition de l'esclavage dans les écrits historiques mais aussi littéraires? De la pensée classique qui à son apogée représente le degré zéro de l'historicité au XIXe siècle qui est lui par contre le siècle de l'histoire, il y a eu un événement majeur, la Révolution française qui sitôt engagée a fait fleurir le discours de l'histoire et dans ce cadre il y a cet événement majeur que fut l'abolition de l'esclavage. Le XIXe siècle est le siècle de l'histoire dans ce sens qu'il la reconnaît et les histoires y abondent et en premier lieu celles qui tentent de cerner la Révolution. De l'histoire des Girondins de Thiers à l'histoire de la Révolution française de Jaurès, en passant par Guizot, Taine, Tocqueville ou Michelet, l'événement est indéfiniment remémoré, reconstruit et interprété. Mais fait étrange, au sein de cette effervescence de construction et d'analyse, un grand vide, l'esclavage et son abolition en 1794. Rien ou presque sur ce sujet. Alors la première question est bien évidemment pourquoi, dans la mesure où la transmission de la mémoire sur une question telle que l'abolition de l'esclavage semble revenir de droit au travail des historiens. Mais il se trouve que l'histoire n'a accordé qu'une place congrue à l'abolition, et ce, dès le départ, dès le 19e, semblant instaurer là une sorte de tradition, Gérard Jajambre. Tradition peut-être, en tout cas c'est probablement dû aux contradictions même de la Révolution et du consulat concernant d'une part le statut des colonies et d'autre part la condition même des Noirs dans ces colonies. La Révolution a oscillé entre le message universaliste, la préoccupation fondamentale des droits de l'homme et par conséquent son extension obligée à tous les membres de l'humanité, et d'autre part des contradictions nées de problèmes économiques, nées de problèmes politiques, nées de problèmes de relations internationales qui expliquent je crois pour une grande part, le fait que la Révolution n'a pas su véritablement trouver sa voie concernant l'esclavage. On passe d'une abolition à un rétablissement, finalement. Et par conséquent, on peut se demander si les historiens du XIXe siècle, qui sont arc-boutés à la Révolution, qui veulent en définir les grandes ruptures par rapport au sens de l'histoire, se trouve peut-être gêné par ces contradictions même. Vous venez d'évoquer à l'instant le fait que l'esclavage a été rétabli donc en 1802, précisément parce que cette première abolition de 1794 n'a eu qu'une application que partielle, parce qu'elle ne fut en partie que théorique, et surtout parce que l'esclavage a été rétabli. Est-ce qu'au fond, elle n'a pas encouragé l'établissement du mythe ? Certainement. le mythe de l'abolition, il faut le lier aussi à, au fond, la façon dont l'esclavage est pensé. Et là, bien entendu, nous sommes encore une fois en pleine contradiction. L'esclavage est une atteinte insupportable à la nature humaine, d'une part. D'autre part, l'esclavage a été un mode de production. En conséquence, faut-il se préoccuper avant tout de la question des principes ? Faut-il se préoccuper aussi, ce qui reviendra à se préoccuper avant tout, de ce que nous appellerons les intérêts, notion dans laquelle nous mettrons beaucoup de choses. De cette ambiguïté résulte effectivement une absence de prise en charge par l'écriture, en tout cas de cet événement historique, alors que, donc, on l'a dit, la Révolution française, elle, a fait fleurir le texte de manière tout à fait extraordinaire, d'ailleurs. Alors, il est vrai. Si on admet que le romantisme français, qui procède en grande partie de la Révolution, se préoccupe, sinon pour l'essentiel, en tout cas pour une grande part, de constamment réécrire la Révolution, j'entends par là de constamment prendre en charge les grandes questions qui ont été soulevées par la Révolution, on est frappé de constater que, d'une part, la condition des Noirs, en général, et d'autre part, plus précisément, la question même de l'esclavage, et sans être un point aveugle de la littérature romantique, apparaît en fait comme un point mineur. On le constate, ne serait-ce que par le nombre d'œuvres entre 1820 et 1850 qui vont prendre en charge cette question spécifique de la condition des Noirs, du statut de l'esclavage, des révoltes, de l'abolition, etc. Et d'autre part, quand bien même on trouve un certain nombre d'œuvres qui en traitent, on s'aperçoit que l'histoire littéraire, qui institutionnalise notre mémoire, ne les a pas retenues, ou plus exactement, les a cantonnées dans des zones un peu obscures d'elles-mêmes. Oui, d'ailleurs, il semble qu'en fait que la mémoire, plutôt que d'embrasser la totalité des événements, se soit cristallisée sur quelques aspects, et notamment sur un homme en particulier, qui est Toussaint Louverture. Il se trouve que Toussaint Louverture a marqué très profondément les esprits, sans doute en partie parce qu'il a rempli plusieurs fonctions, celle du précurseur, celle du symbole et aussi celle du martyr. Et ajoutons celle du héros. Oui. Et c'est probablement par ce biais-là que Toussaint Louverture devient une grande figure romantique, puisque, au fond, il cumule toutes les positivités du personnage romantique. C'est un exclu, mais c'est un exclu qui se révolte. C'est un révolté, mais c'est un révolté qui est vaincu. C'est un symbole de l'humanité et donc c'est une pierre d'attente pour l'avenir. On ne peut pas rêver mieux pour la pensée romantique. Et puis, né esclave, il est tout de même devenu commandant en chef des troupes de la République, ce qui n'est pas rien. C'est, au fond, c'est un parcours qu'on pourrait qualifier de napoléonien. C'est-à-dire, on part de rien et on arrive, sinon à tout, en tout cas à quelque chose de véritablement démesuré. Quelle est la première occurrence du personnage dans la littérature du 19e ? Il y a quelques occurrences mineures, mais on peut dire que la véritable entrée en littérature de Toussaint Louverture, nous la devons à Lamartine, mais dans une œuvre qui est presque totalement oubliée aujourd'hui, à preuve, elle n'est pas disponible dans une édition accessible. C'est un drame qui a été créé en 1850 et qui s'intitule « Toussaint Louverture ». Il faut insister sur la date. 1850, nous sommes 2 ans après l'abolition de l'esclavage due à Schœlcher. C'est en quelque sorte un texte paradoxal, puisqu'il inaugure la figure de Toussaint Louverture comme grand héros romantique, au moment où la question de l'esclavage est, sinon close, en tout cas a trouvé une forme d'aboutissement. Et puis, de surcroît, il apparaît sous la forme d'un genre littéraire qui n'est pas très familier à Lamartine. Ah oui, de Lamartine, ça n'est pas son écriture théâtrale que l'on retient le plus aujourd'hui. Pourtant, ce drame a été représenté à la Porte Saint-Martin, donc un des hauts lieux du drame romantique. Elle a connu un certain succès et c'est un drame tout à fait intéressant qui mériterait certainement d'être réédité aujourd'hui. Alors il y a un autre texte littéraire du romantisme qui, je crois, mérite qu'on s'y arrête. C'est le Bugjargal de Victor Hugo, dont la première version date de 1820. Hugo a alors 18 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une œuvre de jeunesse. Tout à fait. D'autant qu'il l'a écrite en 1818, il a alors 16 ans. Le premier Bugjargal nous intéressera moins pour la question de l'esclave ou de la révolte, puisque, en tant que genre, on la qualifierait beaucoup plus facilement de nouvelle militaire que de roman noir. J'entends par noir prenant le personnage du noir comme héros. C'est aussi un peu un roman noir dans la tradition du début du 19e siècle. C'est la seconde version qui est beaucoup plus riche. Celle-là, elle a été et réécrite en 1825, publiée en 1826. À noter d'ailleurs qu'elle est publiée sans nom d'auteur. Mais comment sait-il que Hugo ait éprouvé le besoin de reprendre ce texte, le retravailler ? Eh bien, il y aurait là deux types de réponses que l'on pourrait apporter. Elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. La première, c'est que le Hugo de 1825 est un Hugo qui met véritablement en place tous les grands thèmes qu'il ne va cesser de développer jusqu'à la fin. Et Bugjargal pourrait apparaître comme un des textes fondateurs de l'écriture hugolienne. Donc une problématique, disons, personnelle. La deuxième motivation est très probablement celle qui ressortirait à une évolution du thème même, du thème exotique. Puisque le Bugjargal de 1825 reste par bien des côtés un roman de la fascination exotique, un roman de l'exaltation d'une forme de différence, mais à cet exotisme va se surajouter la prise en compte de la condition humaine. Cela n'est pas tout à fait flagrant, mais c'est quand même présent. Alors le Bugjargal met en scène un épisode de l'insurrection à Saint-Domingue en 1791. Et au fond, au moment où Hugo rédige ce texte, les débats sur l'indépendance, cette fois-ci de Haïti, donc première république noire, ne sont pas si lointains. Donc il y a quand même une proximité avec l'événement historique. Il y a une proximité avec l'événement historique et le thème de la nation se profile. Or, c'est un des grands débats romantiques qui commence à s'installer. Le thème de la libération qui va de pair, on n'est pas très loin du philhellénisme. Hein. Alors pourquoi serions-nous à l'époque romantique favorables aux Grecs et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas favorable aux Noirs ? La problématique est au fond la même. Et ensuite, Bugjargal, donc le héros éponyme, apparaît véritablement comme un géant. Donc nous retrouvons ce que nous disions tout à l'heure à propos de Toussaint Louverture. Bugjargal présente bien des caractéristiques du héros romantique. Mais est-ce que Bugjargal, vous le disiez, c'est un géant, c'est vrai, mais c'est aussi une incarnation du bon nègre. Est-ce que ça n'est pas une sorte de prolongation de l'image du bon sauvage, d'une certaine façon ? Là, nous sommes effectivement dans l'une des contradictions complexes de ce roman. Remarquons tout d'abord que la figure du noir dans Bugjargal se trouve répartie en plusieurs personnages, comme si Victor Hugo avait senti la nécessité d'échapper à l'emprise d'une vision uniforme du personnage du noir. Il y a le bon noir, il y a le mauvais noir. Il y a Bugjargal, l'esclave révolté, et il y a Abibra, le nain hideux. Mais l'un et l'autre participent quand même d'une même réalité. Ils participent de la constitution d'un même type d'être humain. Donc, ils sont opposés, mais en même temps, ils sont complémentaires. Et puis il y a aussi Biassou, qui lui est un personnage totalement historique, qui a été avec Jean-François l'un des chefs de l'insurrection, et qui incarne, en même temps qu'une puissance, une certaine cruauté, une malignité également. Oui, bien entendu. Mais je me demande là si Victor Hugo n'est pas héritier de tout un courant de pensée qui s'est manifesté dès la fin de la Révolution, dès l'époque du Directoire. Courant de pensée qui s'interroge sur la violence dans l'histoire. Pourquoi est-ce que des hommes qui veulent changer l'état des choses en passent et peut-être nécessairement par la violence. Une réponse qui est souvent apportée, vous la trouvez dans la pensée libérale, celle de Benjamin Constant, celle de Madame de Staël, c'est que c'est à mesure même de l'oppression subie que la révolte sera d'autant plus violente. Donc l'oppression est une double aliénation. Elle aliène lorsqu'elle s'exerce, mais elle aliène aussi lorsqu'on la rejette, puisqu'elle a imprimé en vous l'idée même de la violence. Il y a donc un piège mortel. Et Biassou, je crois, participe de cette représentation de la violence dans l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas également à l'époque, à côté de ces traces donc nourries d'histoire, des fantasmes également véhiculés sur l'homme noir et une part d'exotisme qui commence un peu à se dessiner? Oh, très certainement. Il est bien clair que le noir inquiète. Il inquiète parce que, au-delà de sa différence de couleur, on subodore une différence d'âme. Problème qui n'est pas simple, puisque l'esclave est un, dans la pensée romantique, j'entends, l'esclave est considéré comme un homme déshumanisé, un homme qu'on a privé d'humanité, et dont la quête serait de retrouver l'humain en lui. Mais est-ce que cet humain qui reste enfoui en lui est une humanité qui n'a pas été en quelque sorte pervertie ? Grande question. Grande question qui rejoint celle du monstre dans la pensée romantique, celle d'une forme de la démesure. Ensuite, il est clair aussi que le noir pourrait parfaitement répondre à la définition que donne Hugo du drame romantique, cette combinaison du sublime et du grotesque. Ce que vous analysez là pourrait effectivement servir en partie, ou du moins d'explication tout de même, à cette occultation fabuleuse sur l'événement de l'abolition de l'esclavage, qui a suivi malgré tout une des grandes insurrections de Noirs de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas eu tant que ça, finalement. On remonte très souvent à Spartacus, et puis ensuite, souvent, on fait le bond, et on en vient à cette grande insurrection de 1791 à Saint-Domingue. Et cet aspect inquiétant, effectivement, est probablement un facteur d'explication important à retenir. C'est un facteur inquiétant pour les raisons que l'on a vues. C'est effectivement une éruption avec tout ce que cela comporte. Et puis, dans le contexte de la Révolution française, c'est évidemment la révolte de ceux pour qui, en théorie du moins, la Révolution aurait dû être faite. On a donc une contradiction entre l'ordre nouveau et l'état même des conditions dans les colonies. C'est très exactement le drame de 1802, c'est exactement ce que Lamartine pose dans son drame Toussaint l'Ouverture. Comment se fait-il que les troupes révolutionnaires, en tout cas héritières de la Révolution, et l'on sait que l'armée encore en 1802 est héritière d'un certain nombre de valeurs de la Révolution, dont elle est peut-être le dernier dépositaire, comment se fait-il que ce soit des troupes envoyées par le consul qui viennent écraser une révolte noire? Il y a là un drame, une tragédie de l'histoire, une contradiction intime à laquelle la pensée romantique doit faire face. Et elle ne sait pas très bien comment s'y prendre. Sauf évidemment à penser cela en termes dialectiques, à imaginer que cette contradiction sera résolue plus tard. C'est pour ça que Toussaint l'Ouverture devient un porte-parole de l'humanité. Je parlais tout à l'heure de pierre d'attente. Le romantisme s'en tire souvent comme cela. Alors après Lamartine, après Hugo, comment la mémoire de cet événement historique que fut l'abolition est-elle assurée? Quelle est la prise en charge par l'écriture de cette mémoire ? Eh bien, par l'écriture, si nous restons dans le cadre du romantisme, bien sûr, il y a un certain nombre de textes qu'on pourrait mettre en avant. Parlons d'un qui est quand même resté un peu dans la mémoire littéraire. À preuve, celui-là, il est édité chez Folio. C'est Georges, qui est un roman d'Alexandre Dumas. Alors, bien sûr, nous changeons de lieu et d'époque. Nous ne sommes plus dans les Antilles, nous sommes à La Réunion. Nous ne sommes plus en 91 ou en 1802. Le roman se déroule dans les années 1820. Mais il y aura là aussi une révolte de Noirs. Alors, comment est-ce que Alexandre Dumas va poser la question de l'esclave noir ? Eh bien, il va la poser d'une façon détournée, puisque, au contraire de Bugjargal, au contraire de Toussaint Louverture, le héros, Georges Munier, n'est pas un noir, c'est un mulâtre. Bien entendu, on pourrait retrouver là des préoccupations qui sont personnelles à Alexandre Dumas du fait de ses origines. Mais le fait que le héros soit un mulâtre fait de lui, je ne sais pas très bien si mes paroles seront bien comprises, mais ça fait de lui un noir d'une qualité supérieure. C'est-à-dire que pour Dumas, le personnage de Georges lui sert à poser la revendication de l'égalité de dignité humaine. C'est d'ailleurs en ces termes-là que souvent les choses ont été formulées à l'époque. Et très exactement. Dumas n'échappe pas ici à son siècle, en même temps qu'il n'échappe pas à sa problématique personnelle. Et donc, Georges, qui va prendre la tête d'une révolte d'esclaves noirs, et c'est là que peut-être les deux se rejoignent, Georges va être condamné à mort à la fin du roman, mais il va être sauvé, il va réussir à s'évader. Georges devient donc un héros presque d'un roman de cap et d'épée, puisque nous retrouvons là le même dynamisme, la même fougue, la même flamme que dans les grands romans historiques de Dumas. Mais ce Georges, il est en quelque sorte un pont entre les Noirs et les Blancs. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que ce roman d'Alexandre Dumas fait progresser la pensée romantique par rapport à un Bugjargal. Mais par rapport à Toussaint Louverture, il est d'une portée moindre. Je veux dire par là que Toussaint Louverture est un héros plus pur, je veux dire plus pur dans son exploitation et dans sa révolte. Sinon, eh bien, si nous allons à la fin du siècle, pour faire un contraste qui serait parlant avec le romantisme, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un roman peu connu, bien qu'il ait été édité dans la collection 10-18, mais je crains hélas qu'il soit épuisé, qui est un roman d'Hugues Rebel, qui date de 1901 et qui s'intitule « Les nuits chaudes du Cap français ». Un titre très, très évocateur. C'est un titre pour le moins programmatique. Et là, nous revenons, en 1791, nous revenons à Saint-Domingue. Mais à quoi sert l'esclave dans ce roman-là ? Eh bien, il n'est plus du tout une figure de l'aliénation. Il n'est plus du tout le symbole de la coupure dans le genre humain. Il devient une figure de luxure et de mort. La révolte des esclaves est un prétexte à des débordements érotiques. C'est une histoire pleine de bruit et de fureur. C'est une histoire pleine de volupté et de sang. Mais bien entendu, tout ce qui pourrait en constituer une portée humanitaire passe même pas au deuxième, mais au tout dernier plan. Donc l'esclave a perdu sa fonction. Il est devenu un élément parmi d'autres dans une célébration des excès de toutes sortes. Le Cap français, dans le roman du Grebel, est un lieu du débordement. C'est un lieu dans lequel les Noirs servent d'outils érotiques. Et ils se trouvent en fait exactement sur le même plan que les femmes, qui dans ce roman ne sont préoccupées que de jouissance. Nous sommes là typiquement dans un roman fin de siècle, dans un roman où l'esthétisation de l'esclave est peut-être, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que l'esclave est pensé, est peut-être la pire des choses, puisque c'est une nouvelle forme de déshumanisation qui lui est ainsi imposée. Je crois que pour sortir au fond de ces projections de fantasmes, on peut sans doute dire qu'il a fallu au fond que les historiens et les écrivains noirs eux-mêmes prennent en charge la mémoire de cette plaie gigantesque que fut l'esclavage et également la mémoire de l'abolition pour qu'enfin on ait des traces qui soient fondées sur l'événement et sur l'histoire. D'ailleurs, Aimé Césaire lui-même a écrit un Toussaint Louverture, alors plus tard bien évidemment, là on est au XXe siècle. Et c'est vrai qu'il a fallu un déplacement. Tout se passe comme si le XIXe siècle français, pour ce qui est de la littérature, avait eu beaucoup de difficultés à aborder le problème de front. C'est peut-être une des contradictions les plus significatives d'une littérature de la Révolution qui ne peut pas aller jusqu'au bout du message révolutionnaire. Peut-être à cause, comme nous le disions tout au début, à cause de ce fait que la Révolution elle-même n'a pas su aller jusqu'au bout de ses propres principes. Non pas que le XIXe siècle favorise en quoi que ce soit l'esclavage, mais il ne sait pas écrire l'esclavage. J'étais toute petite quand un grand négrier, cachant la vérité, me fit venir d'Afrique. On nous entassa toutes dans une barque à voile, et je compris en route que j'étais une esclave. Devant la vérité, pauvre de moi, mes frères, voyez cette misère horrible à constater. Ah, je n'étais plus même précipitation, j'étais calamité et indignation. Maintenant on est libre de tous nos mouvements, on a beau être nègre, on est comme les blancs. La jambe par devant, la jambe par derrière, nous sommes des enfants libres et volontaires.